Objectif Castro. Extrait du rapport de la commission d'enquête parlementaire Church. L'enquête de la commission a permis de mettre au jour les preuves formelles d'au moins 8 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro dans lesquelles la CIA a été impliquée, entre 1960 et 1965. Certains de ces complots n'ont guère dépassé le stade préparatoire. L'une de ces tentatives qui mettait en jeu des membres de la pègre a cependant été poussée beaucoup plus loin. On a expédié à Cuba des pilules de poison et on a envoyé des hommes pour accomplir la mission. Dans un autre de ces complots, on a donné à un Cubain anticastriste des armes et divers dispositifs pour assassiner Castro. Ces équipements comprenaient aussi bien des fusils de longue portée que des pilules de poison, des stylos empoisonnés, des poudres contenant des bactéries mortelles et d'autres moyens qui défient l'imagination. Ironie du sort, l'un de ces complots s'est déroulé le 22 novembre 1963, c'est-à-dire le jour de l'assassinat du président Kennedy à Dallas. Ce jour-là, un agent de la CIA remettait à un Cubain un stylo empoisonné destiné à tuer Castro, au moment même où un émissaire du président Kennedy rencontrait le leader cubain pour explorer les possibilités d'améliorer les relations entre les deux pays. Le récit qui suit établit d'abord les faits relatifs à ces tentatives d'assassinat, telles qu'ils sont apparus à la commission d'enquête à travers témoignages et documents. Dans les sections suivantes, la commission a essayé d'analyser comment ces complots ont pu être réalisés, et à partir de quel niveau de responsabilité ils ont été autorisés. Les premiers complots contre Castro ne visaient pas à l'assassiner, mais plutôt à détruire sa réputation. Au cours de la dernière année de l'administration Eisenhower, de mars à août 1960, la CIA a songé à miner la sympathie populaire dont jouissait Castro en sabotant ses discours. D'après un rapport de 1967 rédigé par l'inspecteur général de la CIA, un fonctionnaire de la division des services techniques se souvient d'un plan qui prévoyait de répandre dans le studio de radio de Castro une substance dont les effets s'apparentent à ceux du LSD. Cette machination a été abandonnée parce que la substance en question n'était pas très sûre. À la même époque, la division des services techniques a imbibé une boîte de cigares d'une autre substance qui provoque une désorientation temporaire. On espérait amener Castro à fumer un de ces cigares avant de prononcer un discours. L'inspecteur général rapporte aussi un autre projet. On voulait détruire l'image du Castro barbu en saupoudrant ses chaussures de sel de thallium, un dépilatoire puissant qui lui aurait fait tomber la barbe. On voulait profiter d'un voyage de Castro à l'étranger. Un soir, il placerait sans doute ses chaussures à cirer à la porte de sa chambre d'hôtel. La division des services techniques a fait des tests sur des animaux avec ses selles, mais l'idée a sans doute été abandonnée lorsque Castro a annulé son voyage. La première affaire d'assassinat d'un leader cubain à laquelle la CIA soit mêlée, a eu lieu, selon les témoignages recueillis par la commission, en 1960. Un Cubain qui s'était porté volontaire pour rassembler des informations pour le compte de la CIA informa son officier traitant qu'il aurait probablement l'occasion de rencontrer Raúl Castro. La station de la Havane de la CIA a aussitôt demandé au quartier général et aux autres stations de lui faire connaître le genre de renseignements dont ils avaient besoin et que le Cubain pouvait leur fournir. Dans son témoignage, l'officier traitant a déclaré qu'entre le Cubain et lui, il n'avait été question que de recueillir des renseignements et que jamais il n'avait parlé d'assassinat. Le quartier général reçoit la dépêche de la station de la Havane le soir du 20 juillet. L'officier de service est convoqué au quartier général. Il contacte Tracy Barnes, l'adjoint de Richard Bissell, lui-même directeur des opérations et responsable de la direction des opérations clandestines. L'officier de service contacte aussi J.C. King, l'officier chargé de la division Amérique latine à la direction des opérations. Sur leur directive, L'officier de service envoie le matin du 21 juillet une dépêche à la station de La Havane, disant « Quartier général envisage sérieusement possibilité élimination 3 leaders ». La dépêche demandait si le Cubain était suffisamment motivé pour prendre le risque de provoquer un accident dont serait victime Raúl Castro. Elle ajoutait que la station pouvait, à sa discrétion, prendre contact avec l'homme pour évaluer jusqu'où il était prêt à aller et pour qu'il fasse certaines suggestions sur des questions de détail. On lui remettrait 10 000 dollars si l'affaire réussissait. Mais il n'était pas question de paiement par anticipation, parce qu'on craignait que le Cubain ne soit un agent double. D'après le témoignage de l'officier traitant, cette dépêche représentait un sérieux virage par rapport aux activités conventionnelles dont on nous avait chargé jusqu'à ce jour. L'officier de service s'est souvenu de la dépêche et de toute l'affaire précisément pour cette raison. C'était un message d'un genre tout à fait spécial. Et je le dis parce que 15 ans plus tard, je m'en souviens encore. L'officier se souvient que, quand il a lu la dépêche, il a avalé de travers. L'officier traitant prit contact avec le Cubain et lui fit part de la proposition. Il évita soigneusement le mot « assassinat », mais il lui fit clairement comprendre que la CIA envisageait un accident pour enrayer l'influence de Raúl Castro. Le Cubain reçut l'assurance qu'en cas de mort, ses fils pourraient faire des études supérieures, et il accepta de prendre un risque calculé, refusant toutefois de faire quoi que ce soit qui n'apparaisse pas comme un pur accident. À son retour à la station, l'officier traitant apprit qu'une dépêche venait d'arriver qui disait « Ne poursuivez pas l'affaire, préférons laisser tomber ». C'était signé Tracy Barnes. Il était bien sûr trop tard pour laisser tomber l'affaire, le Cubain étant déjà en route pour rencontrer Raúl Castro. À son retour, le Cubain déclara à l'officier qu'il n'avait eu aucune possibilité de provoquer un accident. Une note dans les dossiers du Bureau des services médicaux de la Division des opérations nous apprend que le 16 août 1960, on a remis à un fonctionnaire une boîte des cigares préférés de Castro, avec mission de les traiter à l'aide d'un poison mortel. Les cigares ont été contaminés avec de la toxine botulique, une toxine assez violente pour tuer quiconque porterait un de ces cigares à sa bouche. Le 7 octobre 1960, le fonctionnaire annonce que les cigares sont prêts. Les notes de la division des services techniques indique qu'ils ont été remis à une personne qui n'est pas nommée le 13 février 1961. Le dossier ne nous dit pas si on a tenté de les offrir à Castro.